Skyrock, Rai Suprême. 130, on danse au tempo. Max Ravish, oublie tes blèmes pro. Vas-y, viens, aloha, aloha. Vas-y, viens, achetoi, achetoi. Pour mes blagues, mes plans, mes beurs, on va danser jusqu'à pas d'heure. Vas-y, viens, aloha, aloha. Vas-y, viens, achetoi, achetoi. C'est bon, c'est ça. Apple. Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Are you ready? C'est sur mieux là. Ah, c'est moi avec le mouchoir. Ah merde. DJ mix en diablé. Mix sans diable. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Je désactive mes comptes, tu es avec mes gars. Je suis sous le soleil et je fais le halo. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Je désactive mes comptes, tu es avec mon bras. Je suis sous le soleil et je me balade. À bord. Paris, Paris, sans quoi. Oran, sans quoi. New York, New York, sans quoi. DJ Keys, let's go. Keys, Keys. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais non, mais c'est un malade mental. Sourire sur les visages tristes. Lève-toi mon mec, bouge-toi mon mec. Appelle tes frères, tes potes et ta lady. This is how we do. Tous frères, tous cousins, bienvenue chez nous. Allez bouge, allez danse. Allez lève-toi, vas-y chante. Vas-y viens, vas-y. Suprême en direct sur Skyrock. Comme chaque dimanche soir, bienvenue à vous tous. Bienvenue DJ Keys. Comment ça va? Ça va, toujours. En pleine forme? Pleine forme. Parce ouais. que la semaine a été épuisante. Eh oui, le week-end, ouais. Là, c'est pas fini. Je me barre juste après l'émission. Mec n'arrête jamais. Ouais, au Garden, donc c'est à la Plaine Saint-Denis. Donc une ambiance qui commence à 1h du matin. Juste après le Rail Suprême. Eh bah, juste après le Rail Suprême pour ceux qui sont en région parisienne. C'est ça. Le Garden. Vous retrouvez DJ Keys. Bon, tout se passe bien. T'as vu ce week-end ensoleillé, magnifique. Ouais. Ça y est, hein. Début du printemps. J'ai envie de croiser les doigts. J'espère qu'on y est. C'est un partout. Ça a l'air d'être la fin de l'hiver. Et ben le son donc va aller avec ce soir. Bien évidemment, le soleil tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a de prévu au programme Kay ce soir? Du nouveau et voilà, du mix, l'ambiance, c'est-à-dire ambiance boîte de nuit, discothèque, chicha, mariage. J'ai envie de te dire coup d'envoi, faites griller les charbons, c'est parti. C'est ça. Allez, on y va avec DJ Kay, c'est Rail Suprême pendant une heure. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Suprême. Skyrock. Je suis Suprême. اهلي في الهاي كارتير شيك وزاهي حتى كلاسي لا فيل حوس بيك في دبي سيسير اهلي في الهاي كارتير شيك وزاهي حتى كلاسي لا فيل Suprême, en direct sur Skyrock. Skyrock. Skyrock. Oh, tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. C'est le son du ferme, on écoute, on est entre nous. De Ricky à Abidjan, on compte sur vous. 113, c'est lui et moi. Et ce son, c'est fait pour vous. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Just on record. Des mains.

Passez une bonne soirée Rise Supreme le dimanche soir avec DJ Case, des sélections, des nouveautés, des titres classiques. Une heure de mix avec toi DJ Case comme chaque dimanche soir. Et puis juste après, chut, ça file en soirée. C'est ça, juste après alors au Garden, c'est à la Plaine Saint-Denis, ça s'enchaîne. Et ce mercredi, mercredi 11, c'est au Baroque que je serai, discothèque c'est sur les Champs-Elysées. Mmh. Le samedi 14, c'est en Belgique, au Royal. Le vendredi 20 mars, ça se passera du côté de... au Trianon, c'est dans le 91, donc dans l'Essonne. Et le samedi 21, dans le 84, parlant d'Avignon, au Papagayo Discothèque. Voilà. Donc ça, c'est le mois de mars et tous les dimanches, Rise Supreme. Tous les dimanches, c'est pour ça. La France entière, il est là, DJ et Case. Oui. Et on va partir pour une nouvelle session, c'est reparti? Bah oui, on y va. Allez, coup d'envoi. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rise Supreme en direct sur Skyrock. Partage et rassemble, c'est les beaux quartiers qui dansent avec les grands ensembles. Ceux qui souhaitent un pays convivial, alors ils croient en une autre identité nationale. C'est le son qui rêve en réalité, change les mentalités et tue l'amorosité. Il invente, imagine et renverse les clichés établis et oublie leur tristesse. Tous les codes sont bannis, révisés, on mettra des baguilles jusqu'à l'Elysée. Plus de quotas dans le foot ni ailleurs, peu importe la couleur, on gardera les meilleurs. Les blaireaux, les fachos, c'est la même, c'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes. On va marier Nassim et Delphine, pas seulement pour la rime, un second tour sans Marine. Et si on chantait de toutes les couleurs, on va faire danser les corps et les cœurs. Si on est tous ensemble, ça nous suffira. Rise Supreme, mixé par DJ K sur Skyrock. Moi, c'est une victoire, la preuve que tu te débats. Pour ceux qui sont braqués sur moi, je veux être l'objet d'un choix, mais faudra t'y faire désormais. Le tien me semble si mauvais. Et c'est le soleil qui les éclaire. When I'm up,

Rail Suprême en direct sur Skyrock. Yeah.

هيب اها بعد بالفرنسية عد وقال بالروا بالانجليزية عد وان تو ثري بالنقافات عد وان تو ثري وحمايلو حمايلو Minuit une heure, c'est Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. C'est déjà la fin de ce Rail Suprême avec DJ Case. Merci Case pour cette soirée. Bah merci à vous. Merci donc je vous te laisse filer pleine Saint-Denis, c'est pas très loin, c'est vite fait. C'est vite fait, c'est taf taf. Voilà, t'es scooter. Tu vas être aux platines d'ici quelques minutes pour ceux qui veulent te rejoindre. C'est ça. D'ici là, on écoutera aussi du son et du prochain rendez-vous. D'ailleurs, avec Rail Suprême, c'est dans une semaine, dimanche prochain. C'est ça, dimanche prochain. Ouais. Et on en est où, comme là, on parlait tout à l'heure du printemps qui arrive, du soleil. Est-ce qu'il y a aussi Paris-Oran-New York qui débarque? Paris-Oran-New York qui arrive, ça sera courant mai, juin. Et bon, on va vous faire découvrir dans les semaines à venir. Mais quand les quand nouveautés, les news. Quand ça sera la surprise. Ok. Bon, la surprise. Un moment où vous n'y attendrez pas. Restez à l'écoute chaque dimanche soir. Peut-être et d'ici dimanche là... prochain. Hein. Peut-être pas. Hein. Peut-être dimanche d'après. Et bon, on verra. On suivra ça. Bon, en tout cas, le projet est très costaud et il y a voilà les nouveautés. C'est que des inédits et voilà. La bon. Musique qui plaira certainement, j'espère. Pour l'instant, ce qu'on sait, moi je t'ai vu en photo avec Mister You. Donc a priori, il y aura peut-être Mister YouTube. Il y aura Mister YouTube, et normalement. Et d'autres trucs Il y a d'autres trucs, ouais. Bon bah au compte-goutte on vous donnera des infos tous les dimanches soirs, restez bien à l'écoute. On te retrouve d'ici là sur les réseaux sociaux aussi hein, Case. Les réseaux sociaux ouais, sur la page fan Facebook, allez cliquer, c'est DJ Case sur Snap non pas Snapchat, pas encore, j'ai pas encore, non, j'ai. Ah, je sais pas, tu sais que j'ai un lapsus révélateur ça. Quand tu commences à parler de ça, je crois que je vais même le faire maintenant là. C'est okay, sur la route entre. Commence à balancer des photos, on attend les photos de la soirée surtout. Bah tiens, regarde, ça sonne. Allez, on t'appelle tout de suite au Garden. Snap, c'est ça, ouais. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Bon, Nigo. Ciao, Case. Voilà, merci à vous. Passez une bonne soirée. Le retour de Rail Suprême dans une semaine et la session de Skyrock. Ciao.